attendre sur le quai d'une gare. Moi, j'en ai marre. Attendre toute ma vie. J'ai pas envie. Attendre, toujours attendre. Attendre qu'elle revienne. C'est plus la peine. Attendre le petit jour. Si ça c'est pas de l'amour. Attendre de la voir nue, ça non plus j'ai pas su. Attendre qu'elle n'aime que moi. Là, j'ai la foi. Attendre qu'elle guérisse. De tous mes vices. Attendre qu'elle m'enlace. Il est vrai, je m'en lasse. Comprendre ce qu'elle veut. Je serais bien trop vieux. Attendre toute ma vie. Oh, c'est pas une vie. Attendre que la nuit tombe. Et puis les bombes. Attendre d'avancer, madame sur l'échiquier. Comprendre pourquoi je l'attends, oh, que je suis vivant. Comprendre ce qu'elle me dit. Là je fuis. Comprendre pourquoi la guerre aussi sec. Je reprends un verre. Ma pauvre mère. Je préfère me taire. Mais comprendre ce qu'il y a dans ma tête. Fais tourner le pète. Comprendre que c'est virtuel, c'est sûr, elle est morte. mortel. Comprendre ma douleur, combien je vous dois, docteur.